moins que rien. De contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Moins que rien. À Mademoiselle Reichenberg. Ce n'est rien. Moins que rien. Elle aimait Jean Maupas, un simple paysan qui ne s'en doutait pas. Denise était timide et pas du tout sournoise. À ce propos, messieurs, je vais vous chercher Noise. Chaque fois que je lis les poètes du jour, j'admire leur façon de comprendre l'amour. C'est toujours une plainte adressée à la femme qui leur a pris le cœur, qui leur a volé l'âme et qui n'a rien su. Voilà le fond commun. Quand on en connaît un, on en connaît plus d'un. De ces oiseaux pleureurs dont la muse ingénue s'est ainsi laissée prendre aux yeux d'une inconnue, laquelle n'a pas su que sa fière beauté avait passé tout près de l'immortalité. Que voilà des amours de fous ou de poètes, mais qui vous empêchaient, vaniteux que vous êtes, de faire parvenir ce sentiment perdu au cœur qui vous aurait peut-être répondu. Voyons, n'avez-vous pas la langue pour le dire, les yeux pour l'affirmer, la plume pour l'écrire? Comment vous êtes là dans le vif du métier et vous ne savez pas quels moyens employer? Quand vous avez au choix la chanson, l'anagramme, le rondeau, le sonnet, voire l'épithalame, est-ce timidité, convenance, pudeur? Je crois bien que ces mots sont pour vous sans valeur. Maintenant, retournons, s'il vous plaît, le problème, et veuillez supposer qu'une femme vous aime. Peut-elle confier son secret au facteur? A-t-elle à son service un libraire éditeur? Comment donc saurez-vous? Ah, voilà la victime. Pour la femme, en effet, un aveu, c'est un crime. Muette, souriante, elle devra souffrir d'un secret qui l'étouffe, et peut-être en mourir. En souffrir? Oui, monsieur. En mourir? Oui, madame. Sans éclat de journaux, sans bruit et sans réclame, ces drames ignorés arrivent quelquefois. Dira-t-on qu'un muguet est mort au fond des bois? Denise, un jour fléchie sur sa tige éphémère, et mourut en donnant son secret à sa mère. Ce n'est rien, moins que rien. Elle aimait Jean Maupas, un simple paysan qui ne s'en doutait pas. Fin de « Moins que rien » enregistré par Margot.